Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans cette 24e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure chez votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. C'est l'heure du rock'n'roll. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Merci pour tous vos messages sur la page Facebook de l'émission. On commencera cette émission avec les Normands de Désillusion et le titre Précarité. C'est sur l'album Esprit Maudit sorti cette année. On peut entendre Fin d'une vie, Jack l'Éventreur, que j'ai déjà diffusé. J'attends impatiemment leur album, des nouvelles très vite. On s'écoutera ensuite Super Héros, le dernier morceau des Face No More. Il est sur l'album Sol Invictus, sorti en 2015. On peut entendre aussi donc Sol Invictus, Black Friday et From the Dead, entre autres. Il n'avait rien fait depuis 2009. Et je passerai ensuite Linton Kwesi Johnson avec Force of Victory. C'est aussi le titre de l'album sorti en 79. On retrouve One Figo Rave, Sony Letta, Feed Them Back notamment. Un excellent album. On poursuivra cette émission avec Aerosmith et Shut Up and Dance. C'est sur l'album Get a Grip sorti en 1993. On peut entendre Eat the Rich, Living on the Edge, Walk Down et Boogeyman. Shut Up and Dance fait partie de la bande originale de Wayne's World, Megatuff. Et on finira ce bloc en live avec Pantera et Hostile. C'est sur le live 101 Proof. Sorti en 1997, c'est issu de la tournée Tour Kill entre 96 et 97. On retrouve Walk, 5 Minutes Alone, Warner, un excellent live. Et ça fait 11 ans que Dimebag Darrell, le guitariste de Pantera, a été abattu en plein concert. We'll be right back. forces of victory and the coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We make a little beat in 1978 and we fight and we fight and defeat the state. And all of we just forward up to nothing will beat. And all of we just forward up to nothing will beat. We're the forces of victory and the coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? Dressed in the red and we're feeling the dread. We're dressed in the green and we're feeling the need. We're dressed in the purple and we're dressed in the yellow. We're dressed in the blue and we're coming right through. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We're coming with the army, so don't you get barmy. We're coming with the plane, it's gonna drive you insane. We're coming with the guns and we're making the rounds. We're coming with the tank and Babylon get bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. The forces of victory and we're coming right through. The forces of victory now, what you gonna do? But you call a physician for the poor opposition. Them got no ammunition and them got no position. But you call a physician for the poor opposition. Them got no ammunition and them got no position. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? Vous êtes toujours dans 24e Vampire Freaks sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Il y a un groupe que j'adore et je sais que vous l'aimez autant que moi, c'est J'aurais voulu. Mais en fait, ils ont une autre formation qui s'appelle Maldon. C'est quasi les mêmes musiciens, mais ils jouent dans un autre registre. Et le morceau que je vais présenter aujourd'hui, c'est Vida Loca. Ils ont sorti un album en 2015, je diffuserai d'autres morceaux, promis. Et on poursuivra cette émission avec Silmarils et le classique No Justice, No Peace. C'est sur l'album Silmarils, sorti en 1995. On peut entendre Courvic, Killing the Movement, Payer le prix et Je ne jure pour de rien. Un super album. J'ai envie de vous faire découvrir un titre qui me tient à cœur. Il s'agit de Ringfrei, de la chanteuse allemande La Fée. Et oui, il y a aussi des Allemands qui ont des noms français. Et le titre de c'est aussi le titre de l'album, Ringfrei, qui est sorti en 2009. On peut entendre Ice Scatter Engel, qu'on peut traduire par Ange Glacé, Scheiß Liebe, et Ich bin ich, Je suis moi, entre autres. Un magnifique album. Si vous aimez ou connaissez déjà, promis, il y aura d'autres morceaux. Je passerai ensuite Dub Marcus Say de Steel Pulse. C'est sur cet autre magnifique album, True Democracy, sorti en 1982. On peut entendre Ravers, Blue Dance Raids, No Man No Sober. Et on finira ce bloc en live avec Megadeth et le grand classique Peace Sells. C'est du Live That One Night, sorti en 2005. On retrouve notamment Skin On My Teeth, Angry Again et Tornado Of Soul. Vida loca, esperando la esperanza. los irreducibles que no desvanecen, que no desaparecen. Vamos con los puños hacia las estrellas y la mirada al futuro, siempre firme.

Ah, il est puissant ce Megadeth. Vous êtes toujours dans la 24e Vampire Freaks sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. J'ai l'ami zurichois d'Arcoustics qui est, je le rappelle, compositeur du générique, qui vient de sortir un album qui s'appelle Outzone. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le morceau Dorca. Et sur cet album, donc Outzone, on peut entendre We Dance, You, A Real Kiss, Voices, entre autres. Je l'adore. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. Dernièrement, j'ai échangé des mails avec le groupe The Insight. Ils sont bretons expatriés au Québec. Ils distillent de l'excellente Cold Wave qui fait du bien à la tête. Aussi, je diffuserai le titre Drowned. Allez faire un tour sur la page Facebook de The Insight. Alors, Insight, I-N-S-I-G-H-T. Et puisqu'on sera dans la Cold Wave, je diffuserai ensuite L'Ordre d'Héloïse. Je sais que vous appréciez autant que moi. Ce sera Perturbation. C'est extrait du somptueux album Après le chaos, sorti cet automne, on retrouve Apocalypse, Photosynthèse, que j'ai déjà diffusé, Coupé du monde. Il comprend aussi des titres instrumentaux tels qu'Héloïse. Allez sur la page Facebook de l'Ordre d'Héloïse avec un H, Héloïse. Il y a un autre groupe que j'adore, c'est Massilia Sound System. Ma petite chérie m'a offert le super dernier album de Massilia, qui s'appelle tout simplement Massilia. Aujourd'hui, je passerai toi, MC, sur la version. Alors celui-là, je vous préviens, vous allez l'entendre en long, en large et en travers. Et oui, ils ont eu 30 ans les Massilia en 2014. Si ça, c'est pas du vieux briscard, j'y connais rien. Il est aussi en écoute sur toutes les plateformes légales. Vous allez secouer la tête, garantie. Et on finira ce bloc avec un autre Mass. Ah oui, mais c'est Mass Hysteria. Et l'effet papillon, c'est sur le live à Montréal de 1998. On retrouve l'homme qui en savait trop rien, le dernier tango, Respect to the Dance Floor, entre autres. From Hungary, you know I'm really happy. So don't you Tous les fond c'est gros, le soleil restera couché quand les enfants le joueront, quand le froid sera revenu, quand on aura tout écrasé, quand le soleil sera fallé, quand les enfants ne riront plus, quand la glacière aura vaincu. C'est le son des collègues qui te colle au plafond. Joue, écoute le ridim, joue, écoute le ridim, joue, écoute le ridim, écoute le ridim et sans modération. Vé Massilia qui s'anime, Vé Massilia qui s'anime, Vé Massilia qui crame la session. Cha-la-la-la-la-la, 3 MC dans Massilia. Cha-la-la-la-la-la, 3 raisons d'être fracas, 3 raisons d'être en action, 3 fadoli en mission, 3 ragas pour un sillon, et tout ça sans concession. 3 MC sur la version. Ça fait monter la pression. Quand je vous fais attention, c'est chaud, c'est Massilia, ça fait péter les plombs. 3 MC sur la version. Ça fait monter la pression. Quand je vous fais attention, c'est chaud, c'est Massilia, ça fait péter les plombs. Un mouvement irréversible, une force invisible, une envie irréversible.

Merci. J'ai envie de son vinyle live. Je diffuserai Ace's Eye d'Iron Maiden. C'est sur Live After Death, sorti en 1985. On s'écoutera Silencio de Charles 69. C'est sur l'album Résistance Électrique, sorti en 2011. On peut entendre Contre la Montre, La Voix de son Mal-être, Génération sans repère, entre autres. On s'écoutera ensuite des Kingpins avec Take It Upon Town. C'est sur l'album Pain of Section, sorti en 2000. On peut entendre Designated Driver, The Main, End of Parade, entre autres. Il est aussi en écoute sur toutes les plateformes légales. Un autre coup de cœur dans cette émission. Dernièrement, j'ai reçu Come to the Dark Side, l'album de Be Now. Bon, il est sorti en 2014. Allez faire un tour sur ce petit chef-d'œuvre du sample et de la gratte punk, Be Now. Dans cette émission, je passerai la fille à Nelson Montfort, La Revanche de Nespawn. T'avais pas plus court comme titre, mais on s'en fout, c'est du très bon son maison, c'est le plus important. On peut entendre sur ce Come to the Dark Side, What the Fuck, Sarko, Ford Rock, que j'ai déjà diffusé, entre autres. Il est excellent ton album Be Now. Et on finira ce bloc avec la dubbing et Il faut qu'on ose, c'est sur le double live Paradise Tour à l'Olympia, sorti en 2015. On peut entendre tout ce qu'ils veulent. C'est une France qui ferme sa gueule. Chaque nouvelle page est Better On, ou alors le très énergique Murder, un énorme album de ce groupe stéphanois indépendant depuis 1998. In bronze, we shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. je serai là. Que tu peux compter sur moi. Je sens mes blanches sans sourcils. Tenter de noyer tes soucis. Même si ça ne sert à rien. Car ce rien t'appartient. Ce soir je serai avec toi. Même si c'est dans le silence. Je ne peux t'offrir que ma présence. Répétition d'un chagrin sans fin. Je voudrais t'aider, te consoler. Putain de silence qui nous étouffe. La gorge serrée, l'estomac noué. J'ai pas quoi dire, y'a rien à dire. Tout devient de pire en pire. De s'être seul dans un monde vide. Pour un combat désespéré. Ce soir je serai avec toi. Même si c'est dans le silence. Je ne peux t'offrir que ma présence. Got the sounds of the underground. Est-ce qu'une maîtresse, elle devient une confidente et même une amie, sauf que cette amitié aujourd'hui... Laurent... La poussée sur le postérieur, on en a l'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver. Plus trapu, plus court sur patte, si vous m'autorisez l'expression. Les gens seraient qu'il débuta par là. Cette jeune fille, this young lady, elle est gracieuse, elle se déplace tel un ange sur un nuage de glace, tout en fluidité mais avec une énergie incroyable, magnifique, c'est extraordinaire Patrick, c'est merveilleux, regardez ça, ces petites jambes fines que surmonte un extraordinaire fessier rebondi que l'on aperçoit sur cette jupette en tulle avec cette culotte qui lui rentre dans les fesses, non mais regardez ce cul qu'elle a. En russe on l'appelle la tigresque. En russe on l'appelle la tigresque. En russe on l'appelle la tigresque. Mes meilleures heures sont passées, disait Apollinaire dans un poème intitulé Regret. Peut-être est-ce le cas aujourd'hui. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme, je l'enlèverai au mari qui la profane. Comme nous nous amuserions. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais bien sûre que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçu de quelque chose. En russe on l'appelle la tigresque. En russe on l'appelle la tigresque. En russe on l'appelle la tigresque. Ne m'abandonnez pas dans le délire où vous m'avez plongé. Prêtez-moi votre raison, puisque vous avez ravi la mienne. Voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Sur ce dernier album, on s'est dit qu'il fallait essayer de mélanger des choses qu'on n'avait pas encore mélangées. Il fallait essayer des choses. Et on s'est dit, tiens, si on osait mettre un peu d'accordéon, vu que Fred est avant tout accordéoniste. Si on osait mettre un peu d'accordéon avec un peu de draga, avec un peu de reggae, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc du coup, on a osé, ça vous dit ou quoi? Comment ça fait? Ça fait comme ça, tout le monde. Yeah. Tu passes pour un naïf quand tu te mets à rêver, les alminos. Yeah. Il faut que tu m'insistes et puisses te protéger. Tout regarder de haut ne peut rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne voit que naïveté. Ne plus lever la tête jusqu'au dernier soupir. Si l'on fait que les dieux, les émotions sont fausses. On se laisse porter parce qu'il y a toujours pire. Si l'on se montre tout, c'est peut-être la cause. Ne laisse pas l'égoïsme devenir banalité, les alminos.

avec un morceau qu'on dédicace à tous les gens qui ont dû quitter ou fuir leur pays pour trouver un meilleur foyer, un meilleur chez-soi, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent d'Amérique du Sud, qu'ils viennent d'Asie ou même d'Europe de l'Est. Ce morceau est dédicacé à tous les exilés du monde entier. Ce morceau... Vous êtes toujours dans la 24e Vapeur Afrique sur votre radio favorite chaque semaine à la même heure. On poursuivra cette émission avec Placebo et le titre Plasticine. C'est sur l'album Sleeping with Ghosts, sorti en 2003. On peut entendre English Summer Rain, Sleeping with Ghosts, Bitter End. C'est le 4e album de Placebo. Il existe une version 13 titres. Et le 13e titre, c'est Protège-moi, qui est écrit par Virginie Despentes. On ira au soleil avec Tikenja Fakoli et le titre African Revolution. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2010. On retrouve Je dis non, il faut se lever, laisse-moi m'exprimer, je veux pas ton pouvoir, entre autres. La semaine dernière, j'ai diffusé du Social Distortion. Comme vous avez été nombreux à m'en redemander, je passerai Pleasure Seeker. C'est sur l'album White Light, White Heat, White Trash, sorti en 1996. On peut entendre Dear Lover, Through This Eye, When the Angel Sings. Et on continuera cette émission avec Broussailles et toujours à fond comme moi, c'est sur l'album In the Street, sorti en 2015. On retrouve Violence in the Streets, Le Temps de Vivre, À l'époque, entre autres, un excellent album. Et on finira ce bloc avec Madame Guillotine et Journée de Merde. Et oui, ça arrive aux autres aussi. C'est sur l'album Article 35, sorti cette année. On peut entendre Black Heber, La Gauche Caviar, Sur vos tombes. J'adore, vraiment j'adore cet album. Lies inside the eye of another youthful dream that doesn't sell its own self-esteem. That's not plasticine. Beauty lies inside this lie. And every wayward heart redeemed. the African education. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education. Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said, go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. Revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be African education. In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help to make a better place. In your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. Why are we coming together, yo? Sale. You're gonna burn in hell.

Cette 24e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Laissez-moi vos messages sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Ça me fait toujours plaisir de passer un petit peu de temps avec chacun d'entre vous. Comme générique, je vous propose Alex Clar et Where is the Art. C'est sur l'album The Lateness of Hour, sorti en 2011. On peut entendre Treading Water, Too Close, Up All Night. Il a sorti un album en 2014 qui a marché surtout en Suisse, en Allemagne, mais aussi en Russie, mais pas en France. Je vais essayer de vous le trouver, ce Free Arts, et il y aura des nouvelles bientôt. Merci, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu! I'll catch it on a breeze and fill my lungs and wait.